Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Campus FM 94 FM. Voici venu l'heure de rejoindre le Nid de Pie pour une nouvelle émission. Merci d'être toujours à l'écoute. Aujourd'hui dans la chronique, je vous fais chausser les lunettes du monde animal. Comment voient les animaux? Quelles couleurs? Et que perçoivent réellement nos chats, chiens ou oiseaux qui partagent notre quotidien? J'aurai ensuite la chance de recevoir deux invités, tous deux membres de l'association Les Voix de Traverse, Aurélien Caillot et Lucie Combe, qui viennent nous présenter le projet Espace d'Espèces, qui fait découvrir grâce au son la biodiversité animale et végétale au cœur de Toulouse. Bonjour à tous les deux et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Les autres animaux voient-ils le monde comme nous? Perçoivent-ils les couleurs, les mouvements de la même façon que nous? Rien qu'entre animaux de la même espèce, comme chez l'être humain, il est difficile de trancher. Prenons cette chemise couleur saumon que vous adorez. Votre meilleur ami la trouve couleur corail. Votre patron affirme qu'elle tire sur l'orange alors que votre mère penche pour le rose. Or, même s'il semble évident que la couleur de cette chemise représente une atteinte au bon goût, elle n'est pas pour autant une démonstration de mauvaise foi. Chacune de ces personnes perçoit très probablement la couleur de la chemise différemment. Outre des perceptions propres à chacun, certaines anomalies s'en mêlent et compliquent les choses. C'est le cas de la découverte faite par le physicien anglais John Dalton, majoritairement connu pour son travail sur l'atome, la plus petite particule de la matière. En 1794, alors âgé de 28 ans, il publie ses observations sous la forme du Memoirs of the Literary and Philosophical Society of Manchester. Dalton distingue le bleu et le jaune, mais ne peut pas identifier le rouge. Il découvre que son frère voit le monde comme lui et en déduit que cette particularité est héréditaire. Bingo ! Il donne son nom au daltonisme. Dans le langage courant, cela désigne l'impossibilité de distinguer le vert du rouge, une anomalie qui touche 5% des hommes européens. Mais en réalité, parler de daltonisme est un abus de langage. On devrait parler de dyschromatopsie. Et il en existe tout plein. Achromatopsie pour une absence totale de perception des couleurs, protanopie quand on ne peut pas détecter le rouge ou tritanopie pour l'absence de détection du bleu, etc. Autant dire que chacun voit midi à sa porte, ou du moins les couleurs qu'il peut. Avant de plonger dans les mystères des perceptions visuelles des autres animaux, intéressons-nous rapidement au fonctionnement d'un œil. Mais pas n'importe lequel, celui que nous connaissons le mieux, le nôtre, dont la structure se rapproche de ce que l'on retrouve chez les autres mammifères, les oiseaux, les amphibiens et les reptiles. La lumière entre dans l'œil, comme dans un appareil photo, et vient toucher la rétine. Celle-ci forme une fine membrane, comme un écran de cinéma qui tapisse l'intérieur de l'œil et est entièrement recouverte de cellules sensibles à la lumière, des neurones qui vont envoyer des informations au cerveau. Sur cette rétine, on distingue deux grands types de cellules photosensibles. Les cônes, qui assurent la perception des couleurs à la lumière du jour, et les bâtonnets, qui sont impliqués dans la vision nocturne et la captation des mouvements. Pour ce qui est des cônes et de la couleur, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Tous les animaux n'en possèdent pas le même nombre. De nombreux mammifères qui vivent autour de nous, comme les chats, les chiens, les vaches, les chevaux ou les souris, sont dichromates, c'est-à-dire qu'ils possèdent deux types de cônes différents. Les verts et les bleus. Et oui, votre chat et votre chien ne distinguent pas le vert du rouge, comme John Dalton. D'autres mammifères, comme les primates d'Afrique et d'Asie, dits de l'ancien monde, dont l'humain, l'écureuil ou les marsupiaux comme le kangourou ou le diable de Tasmanie, sont trichromates. Ils possèdent donc trois types de cônes. Rouge, vert et bleu. Chose amusante, chez les primates du Nouveau Monde qui vivent en Amérique, seules les femelles sont trichromates puisque la présence de trois cônes dépend d'un gène qui est encodé par le chromosome X, présent en deux exemplaires chez les femelles. Les mâles, eux, munis d'un seul chromosome X, sont dichromates. C'est ce que révèle un article publié par l'équipe de Gerald Jacobs dans le journal Nature en 1996. Mais en matière de couleurs, les experts sont ailleurs. Et parmi les meilleurs, nous trouvons les oiseaux. Alors que les humains fanfaronnent avec trois types de cônes différents, les oiseaux, eux, en possèdent quatre. En plus des cônes verts, rouges et bleus, ils possèdent des cônes sensibles aux ultraviolets, des couleurs au-delà de ce que nos yeux, à nous, peuvent percevoir. Certains chercheurs comme Cynthia Tedor et Dan Erik Nielsen de l'université de Lund, en Suède, pensent que cette vision UV permettrait aux oiseaux de mieux distinguer la surface des feuilles dans un environnement luxuriant et forestier. Dans leur étude parue en 2019 dans le journal Nature Communication, ils ont pu imiter ce que voient les oiseaux en utilisant des caméras multispectrales. ils ont constaté un contraste important entre le dessus et le dessous des feuilles dans le champ des UV, contraste bien supérieur au champ du visible. Les UV ouvrent donc tout un champ des possibles. Mais la couleur ne fait pas tout. Comme nous l'avons dit plus tôt, en plus des cônes, notre rétine est pourvue de bâtonnets qui captent la lumière et le mouvement. Ce qui fait que certains animaux qui ne voient pas très bien les couleurs de jour voient bien mieux que nous de nuit. C'est le cas des chats. Même s'ils ne voient pas le rouge, leur nombre de bâtonnets est bien supérieur au nôtre et ils voient donc bien mieux dans l'obscurité et détectent plus rapidement les mouvements. On estime leur vision nocturne 6 à 8 fois plus performante que la nôtre. En plus, dans la pénombre, le chat mais aussi les chouettes ou les geckos peuvent agrandir leurs pupilles et faire ainsi pénétrer plus de lumière. Et, encore plus fort, certains animaux possèdent une couche de cellules réfléchissantes au fond de l'œil, tout près de la rétine. Ce tapis clair ou tapetum lucidum qui fait briller les yeux d'un animal dans le noir permet d'améliorer encore plus sa vision dans la pénombre. Mais ne rêvez pas, même si tous ces animaux voient mieux que nous dans l'obscurité, aucun n'est capable de voir dans le noir complet. Il faut impérativement une source lumineuse, même réduite, pour qu'ils puissent voir et s'orienter correctement. Et les insectes dans tout ça? Eh bien, c'est encore une autre affaire. Car plusieurs d'entre eux sont pourvus d'yeux différents, qu'on dit composés. Ils sont recouverts de facettes, appelées ommatidies, qui fractionnent l'espace en une sorte de mosaïque. On retrouve ces yeux composés chez les mouches, les abeilles, les papillons et les libellules, par exemple. Chaque facette fonctionne comme un œil indépendant. Mais attention, les yeux des insectes nocturnes sont encore différents et spécialisés pour capter mieux la lumière. Et certains insectes possèdent même des yeux simples, en plus des yeux composés. On ne sait plus où donner de la tête. La vision des abeilles a suscité beaucoup d'intérêt, et ce, dès le début du XXe siècle. L'un des fondateurs de l'éthologie, l'Autrichien Carl von Frisch, seul détenteur du prix Nobel de la discipline, décerné également à ses acolytes Konrad Lorenz et Nico Tinbergen en 1973, s'est largement penché sur la question. Il publiera ses premières observations en 1914. Von Frisch entraîne des abeilles à collecter une solution sucrée, sous laquelle on glisse une carte colorée qui y est toujours associée. Les abeilles apprennent à associer la couleur et la récompense. Une autre expérience a révélé qu'elles préféraient la forme à la couleur. Le chercheur a par exemple habitué des abeilles à venir récupérer de l'eau sucrée sur une plaque qui a la forme d'une étoile jaune. Dans un deuxième temps, il leur présente des associations de formes et couleurs différentes, comme un rond jaune et une étoile verte. Les abeilles vont préférentiellement choisir le rond jaune plutôt que l'étoile verte et se basent donc sur la couleur à laquelle elles ont été familiarisées au début de l'expérience pour faire leur choix. Cette observation va dans le sens de la constance florale, décrite par l'équipe de l'Archidka en 1999 dans un article de review paru dans le journal Naturwissenschaften. Les abeilles ont tendance à toujours visiter le même type de fleurs. Elles ont leurs habitudes. On sait maintenant qu'en plus d'être capables d'apprendre des couleurs, les abeilles possèdent une vision trichromatique. Elles perçoivent le bleu, le vert et les ultraviolets, mais pas de rouge. Grâce à ces ultraviolets, elles sont guidées vers le pollen grâce à des motifs invisibles pour nous, qui surgissent et délimitent de superbes pistes d'atterrissage sur les fleurs. Et dire que tout ça se passe sous notre nez. Outre les ultraviolets, certains animaux peuvent voir un autre extrême de notre spectre du visible, le rayonnement infrarouge, grâce à des cellules sensibles à la chaleur. C'est le cas de certains serpents, comme les crotales, les boas et pitons. Ils sont munis de deux fossettes sensorielles situées à l'avant de la tête, entre l'œil et la narine, qui leur permettent de chasser de nuit et de détecter à courte distance des proies grâce à leur température. Ils peuvent donc voir, comme avec des caméras thermiques, et frapper même dans l'obscurité. Plutôt fou, non? Et ça ne s'arrête pas là. D'autres animaux, comme la libellule, voient 175 images par seconde, alors que nous culminons péniblement à 25 images par seconde avec nos yeux d'humains. Elles décomposent donc beaucoup mieux le mouvement que nous. Et trouve sans doute que tout le monde se déplace à la vitesse d'une tortue rhumatisante par rapport à elle. D'autres ont des champs visuels beaucoup plus larges que le nôtre, comme le caméléon qui peut orienter ses yeux dans deux directions opposées, ou la bécasse qui voit à 360 degrés, même dans son dos. Le cheval, lui, comme beaucoup d'animaux aux yeux très écartés, ne voit pas le bout de son museau et ce qui se passe entre ses deux yeux, ce qui peut expliquer son tempérament plutôt craintif. Vous imaginez ne pas voir devant vous ? Difficile d'imaginer un monde avec des couleurs, des sensations qui nous sont inconnues. Et pourtant, il existe bel et bien. Ce voyage dans des perceptions qui ne sont pas les nôtres est un rappel cinglant, mais essentiel, que notre vision du monde n'est pas celle de nos autres colocataires sur cette terre. C'est même loin d'être la plus répandue. À nous donc de chausser leurs lunettes pour mieux les comprendre et les respecter. Et comme le dit si bien le ménate à sa compagne, la crevette mante-pan à son prétendant, ou Jean Gabin à Michel Morgan, t'as de beaux yeux, tu sais. Et nous revoici avec mes deux invités, Aurélien Caillot et Lucie Combe, tous deux membres de l'association Les Voies de Traverse. Ils viennent nous présenter leur dernier projet en date, Espace d'espèces. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter l'association Les Voies de Traverse dont vous êtes tous les deux membres ? Oui. Alors Les Voies de Traverse, c'est une association qui existe depuis 7-8 ans, je pense, quelque chose comme ça, et dont le fil conducteur des projets est le médium sonore. Donc on travaille autour du son et du documentaire, pour dire les choses vite, à travers différents projets. On a fait des balades sonores, donc des projets qui sont écoutés dans l'espace public, qu'on prête, enfin via des boîtiers audio guides, qu'on prête au grand public. Donc des balades sonores, c'est des documentaires à écouter in situ, racontés par les habitants des quartiers. Donc, si vous voulez, c'est vraiment un récit d'un quartier de l'intérieur par les personnes qui vivent là, qui travaillent là, qui le fréquentent. Voilà. On a un volet d'activité pédagogique avec des ateliers en milieu scolaire autour de ce genre de choses. Initiation au documentaire sonore, à l'émission de radio, à la balade sonore. Et ces balades sonores, vous avez fait à plusieurs endroits. Est-ce que vous êtes situé sur Toulouse, mais est-ce que vous êtes limité à Toulouse ou vous êtes allé ailleurs ? On a été ailleurs, on a fait des balades à Toulouse, on en a fait deux à Toulouse, une dans le quartier de Saint-Cyprien, une dans le quartier de Belfort. On est parti faire un petit tour du côté de Villeneuve-sur-Lot, et puis par le passé, il y en a eu d'autres sous d'autres formes et avec d'autres aventures, plus au nord à Paris et plus loin en Guyane à Saint-Laurent-du-Maroni. Mais le principe était toujours le même, c'était d'aller rencontrer les habitants pour présenter le quartier, ce qui s'y passe, de leur point de vue. Tout à fait. C'est utiliser le prisme du vécu de chacun. On habite un quartier, on le vit au quotidien et on n'a pas forcément l'impression d'avoir un savoir dessus. Parce qu'il y a des experts qui en parlent mieux que nous, parce qu'il y a des spécialistes. Et l'idée, c'était vraiment de donner à entendre un vécu quotidien. En fait, si tu sais des choses, parce que ta mémoire, elle connaît, parce que tu en as des souvenirs, parce que tu le fréquentes, parce que tu as le temps d'ouvrir les yeux et d'ouvrir tes oreilles dessus. Et puis, il y a le sensible qu'aucun expert n'est plus apte à transmettre qu'un autre, finalement. Et pourquoi, du coup, ce choix du son pour vos balades audio, pour aller à la rencontre des habitants et de leur quotidien. Pourquoi le choix de ce médium-là plutôt qu'un autre ? C'est une bonne question. Parce que, en fait, pour la petite histoire, moi, j'ai commencé à faire de l'urbanisme. Et à un moment, j'avais envie de faire raconter des histoires, d'histoires d'habitants. L'écriture, c'est pas tellement mon médium. Le cinéma, c'est trop compliqué. La photo, il y a plein de gens qui en font. À l'époque, je me disais, le son pour raconter des histoires, ça peut être original, ça peut être sympa. Assez vite, je me suis rendu compte qu'en fait, ça permettait de capter des voix, des chaleurs de voix. Tu parlais de sensible, justement. Je trouve que le son restitue super bien la dimension sensible dans tous les sens du mot. Sensoriel, sensible. Et puis, il y a aussi cet intérêt du son qui est qu'il suggère, il n'impose pas une image. Il est très... on construit son imaginaire dans la tête. On a la bande-son et on construit le film comme on le souhaite. Et pour moi, c'est super riche en possibilités d'imagination, disons. Et puis, c'est vrai qu'il y a un côté un peu imaginaire. On peut créer une ambiance avec le son, finalement, autour des témoignages des gens que vous allez interviewer. Et je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est que contrairement à l'image, il n'y a pas du coup de préjugés sur les gens qui vont parler. Il y a vraiment une voix qui arrive et d'un seul coup, on rentre dans un timbre, dans un vécu, sans passer par ce qu'on a tous toujours un peu un présupposé sur la personne qui va se mettre à parler. Oui, c'est vrai qu'on évite ces normes, ces a priori liés au physique, complètement. Alors du coup, vous l'avez un petit peu suggéré Aurélien, je voulais savoir qu'est-ce qui vous avait amené à arriver dans cette association ? Quels étaient vos parcours ? Comment est-ce que vous êtes arrivé au sein des Voies de Traverse ? Moi l'urbanisme, cette aventure elle est née avec un désir de raconter d'abord la ville de manière différente par le vécu des personnes qui y vivent. Et puis de ville, on est passé petit à petit à d'autres formes de territoire. D'habitants humains, on est passé à d'autres formes d'habitants. De patrimoine mémoriel, on est passé à d'autres formes de patrimoine. on élargit le spectre au fur et à mesure. Et d'urbanisme, moi, je suis passé à plus à un intérêt pour le rapport au sonore en général. Moi, du coup, je suis un peu arrivée par hasard, mais sur un malentendu. Et moi, je venais du milieu culturel et artistique où j'ai commencé par faire de coordonner et concevoir des projets éducatifs autour de l'art. Puis ensuite, j'ai fait de la coordination et de la conception de projets de coopération internationale dans les différentes structures. Et en fait, je pense qu'une amie à nous n'avait pas très bien compris ce que je faisais dans la vie, puisqu'elle a dit à Aurélien, bon, bah, j'ai une copine qui fait du théâtre, si tu veux, pour les voix off, ça peut être chouette. Et voilà, je me suis retrouvée à faire des tests de voix off, parce que je trouvais ça rigolo, tout en me disant, mais pourquoi on est venu me chercher? Et en fait, ça s'est bien passé, on m'a gardée. Du coup, tu es la voix des balades, notamment? Voilà, donc moi j'ai commencé par juste faire la voix des balades et puis ensuite dans les discussions, je suis venue donner un coup de main aussi sur le volet éducatif. Et puis après, de fil en aiguille, voilà, il y a des idées qui sont apparues et on a commencé à les concevoir et à les développer ensemble. Mais ça veut dire, parce qu'on parlait du médium du son, ça demande quand même une certaine technicité pour le maîtriser un petit peu et c'était pas du tout aux formations de départ, donc vous avez appris entièrement sur le tas pour créer vos balades sonores finalement. On a appris sur le tas, on s'est formé un petit peu au gré des envies. J'ai l'impression que dès lors qu'on a décidé que bon, bah, le son serait un peu notre médium, notre vecteur, bah, on a plongé dedans et on a trouvé un peu les moyens d'apprendre. Et en vrai, on bidouille, on apprend encore et on fait beaucoup de choses de manière intuitive. On n'est pas sûr que ce soit les bonnes techniques et on ne sait pas s'il y a des bonnes techniques, mais voilà, on avance comme ça. Et puis du moment que le rendu vous plaît, c'est surtout ça l'essentiel. Il n'y a pas d'académisme au niveau du son. Chacun est libre d'y mettre sa patte. Alors, donc, depuis plusieurs mois, vous travaillez tous les deux sur un nouveau projet, on l'a évoqué, qui est donc toujours porté par les voix de Traverse, qui s'intitule « Espace d'espèce ». En quoi est-ce que ce projet consiste ? Alors, « Espace d'espèce », c'est un projet qui questionne la relation que nous avons avec nos voisins et voisines qui ne sont pas des humains, donc que ce soit des végétaux, des symbiotes ou des animaux. Et toutes ces espèces avec qui nous cohabitons dans le même espace, sans forcément leur prêter attention, ou en tout cas une attention qui n'est pas forcément très appuyée ou très curieuse. Et du coup, l'idée qu'on a eue, c'était de faire un peu des portraits, une petite série documentaire. Chaque capsule sonore donc, qui compose cette petite série documentaire fait environ 10 minutes. Elle est située dans la ville et elle raconte une espèce ou un milieu, de sorte à comme ça susciter l'attention. Enfin, en tout cas, on souhaite amener les gens du coup, à regarder et à avoir une autre approche, un autre regard sur ces espèces. Donc voilà, c'est des petites entrées comme ça sur des milieux ou des espèces qui nous entourent dans la ville de Toulouse. Et donc situés à des endroits où on peut a priori les observer. Donc on ne va pas garantir que si on arrive, on va voir forcément des hirondelles. On donne des conseils pour aller au bon moment, dans la bonne période ou moment si c'est les chauves-souris, il ne faudra pas y aller en pleine journée. Mais à part ça, bon, on sait qu'elles ont été vues, observées là. Et voilà, donc on l'en amène à venir à cet endroit-là, écouter les capsules. Et donc l'idée, c'est aussi un petit peu de prendre le temps, parce que l'idée, c'est de se poser à un endroit donné, de savourer comme ça ces 10-11 minutes pour se plonger dans un animal et puis redécouvrir la ville, parce qu'au final, ce sont des animaux, des plantes que l'on croise tous les jours sans forcément y faire attention. Exactement, et c'est ce que permet aussi le médium sonore, c'est-à-dire qu'on peut avoir les yeux rivés sur autre chose et les laisser même dans le vague, ça peut être une flânerie un peu... Et avoir les oreilles complètement absorbées, on l'espère, en tout cas. Et je voulais savoir d'où vous est venue l'envie de changer de sujet, de passer de l'humain, qui était au cœur de vos balades précédentes, aux animaux non humains et aux végétaux. Vas-y. scoop, moi, quand j'étais petit, je voulais être ornithologue. Voilà, donc à un moment, ça a disparu. J'avais un guide de la Chouanieslée, je crois. Classique, incontournable. Voilà, et j'habitais à Paris et je ne voyais pas un vingtième des oiseaux qui étaient dans le guide, mais bon, je les connaissais par cœur et je savais que le pluvier doré, machin, minule. Et puis, petit à petit, je pense qu'au gré de mes études, l'attention s'est plutôt déplacée vers l'humain. Et puis, j'ai l'impression que ben, là, on y revient. Alors, on y revient, je pense qu'il y a une partie air du temps, j'ai envie de dire, pour le meilleur et pour le pire. Hein. Mais voilà, petit à petit, il y a un intérêt un peu pour... enfin, nous comme d'autres, j'ai l'impression qu'on vit un intérêt, en tout cas pour un ensemble d'espèces autour de nous. Une des portes d'entrée, je crois, de ce projet, c'était aussi cette dimension urbaine de finalement... la ville, elle s'est construite toujours avec cette image d'opposition à ce que peut être la nature, avec 15 000 guillemets. Et voilà, c'est un espace qui est contrôlé, aménagé, organisé par l'homme. Et en gros, ce qui dépasse, on le coupe. Mmh. Or, ce qui dépasse, y en a plein. Et du coup, c'était intéressant aussi de se dire, voilà, je pense qu'on a un goût pour... les brèches, les interstices, les petites parenthèses comme ça, où des choses incontrôlées peuvent émerger. Et du coup, tout d'un coup, observer ça, c'est chouette, quoi. Et puis, si j'ai bien suivi ce projet-là, en tout cas, vous avez commencé à vraiment travailler dessus pendant les événements de l'an passé, au début du confinement en 2020, c'est ça ? Alors, on l'a commencé bien avant, enfin, on l'a amorcé bien avant. Après, c'est un peu la difficulté, peut-être qu'on en reparlera, mais d'arriver à avoir les moyens de monter ces projets. Mais on y a pas mal travaillé à ce moment-là. Enfin, en tout cas, on avait déjà commencé beaucoup la phase de recherche et on a un peu concrétisé. On était dans le montage à ce moment-là. Okay. Donc, est-ce que je m'étais dit peut-être que pour les enregistrements, vu qu'il y avait moins d'humains en ville, que ça laissait plus de place On a aussi utilisé ce moment pour, aller, pour enregistrer au calme et profiter des autres. Alors aussi, donc, je voulais savoir comment est-ce que vous répartissez les tâches tous les deux qui écrit, qui crée l'habillage sonore, qui fait la voix off? Comment est-ce que vous répartissez le travail? C'est un peu organique. Après, il y a Aurélien qui est quand même beaucoup sur la composition. Mais je suis très présente comme regard extérieur et très critique. Donc, après, moi, j'écris plus les textes. En fait, Aurélien peut aussi les écrire, mais pareil, je suis assez... j'ai un peu des exigences là-dessus. Mais sinon, tout ce qui est phase de recherche, les prises de décision, on le fait ensemble. La voix off, c'est moi. Et c'est pareil, Aurélien a un regard critique et me fait reprendre du coup. Donc c'est vraiment un travail à deux avec effectivement un côté plus sur le travail sonore qui est Aurélien et un travail de l'écrit qui est plus un peu ma partie. Mais un travail d'équipe tout le long. Voilà. Sachant qu'il y a un petit détail qu'il faut préciser, on a dit tout à l'heure qu'en effet on venait pas forcément d'un bagage biologiste, environnement, sciences de l'environnement, sciences du vivant. Du coup, le contenu de ces pastilles... il a donné lieu à des recherches documentaires, mais surtout, on a été voir dès le début du projet une association avec qui on a travaillé au contenu, finalement, qui est Nature en Occitanie, et qui nous a ouvert ses portes et fait rencontrer ses bénévoles et son réseau de spécialistes de différentes disciplines et sur différents sujets, qui nous ont finalement, qu'on a interviewés, qui nous ont aidés à tisser ces trames documentaires. Et qui vous ont, j'imagine, un petit peu aussi aiguillé, orienté, on verra ça tout à l'heure, sur le choix des espèces, sur comment les mettre en avant, en lumière, de la meilleure des façons. Okay. Et aussi, juste parce que je parlais de la composition sonore, c'est un aspect qu'on n'a pas évoqué, mais c'est pas juste une voix off qui raconte, en fait. Il y a vraiment un travail sonore, de création sonore, qui est un travail d'électroacoustique, on peut dire. D'ambiance, du coup, avec des sons, pas de musique, mais vraiment des... voilà, des sons captés ou des sons que vous créez. Voilà, ouais, exactement. Donc... oui, un mélange, c'est vraiment un mélange de prises de son du réel, de sons, il y a assez peu de sons de synthèse, c'est-à-dire de sons créés par l'ordinateur, mais il y a un certain nombre de sons abstraits qui sont tirés d'enregistrements du réel et puis détournés, trafiqués. Quand je parle de bidouille, c'est beaucoup ça, en fait. On peut appeler ça de la musique, hein. Je pense que ça peut avoir ce nom-là. L'électroacoustique, c'est considéré un petit peu comme une musique. Après, c'est un terme un peu pompeux, élitiste, et je ne sais pas si on rentre dans ces cases-là, mais Mais voilà, à un moment, on a mélangé différents types de sons pour créer des atmosphères, on va ouais. dire. Mais l'idée, c'était vraiment de partir des sons de la nature, des sons que vous pouviez capter, vous, et que vous avez réarrangés, réorganisés pour créer quelque chose de nouveau. Oui, voilà, tout à fait. C'est ça. Eh bien, on vous laisse chantonner, siffloter et vous émerveiller le temps d'une courte pause musicale. Ne bougez pas, on revient tout de suite sur Campus. C'était Le Bracelet, un extrait de l'album La Planète Sauvage d'Alain Goraguer. Vous êtes toujours sur Campus FM 94 FM dans la deuxième partie de l'émission du Nid de Pi. Et nous revoici avec mes deux invités, Aurélien Caillot et Lucie Combe, tous deux membres de l'association Les Voies de Traverse. Ils nous présentent le projet Espace d'espèces qui comporte 10 capsules sonores associées à des localisations précises de la ville de Toulouse et écoutables gratuitement en ligne. Quatre d'entre elles portent sur la biodiversité urbaine des végétaux, figuiers, lichens, herbes folles, prairies, et les autres portent sur les animaux de la ville, grenouilles, perruches, sangliers, hirondelles, chauves-souris, crustacés et poissons du fleuve. Comme nous sommes à la radio, média sonore par excellence, je vous propose d'écouter un premier court extrait pour mieux découvrir le projet. Il y en a qui disent avoir vu les premières arrivées, une vingtaine. Du côté de l'hippodrome de la Sépière, en 2009 ou 2010. D'autres racontent qu'ils en avaient déjà vu deux en 2005, Courdillon. À l'époque, on n'avait pas fait attention. Les rares personnes qui les remarquaient les trouvaient belles, insolites. Et puis, sans qu'on s'en rende vraiment compte, elles se sont installées, partout. Ici, à Toulouse, elles seraient aujourd'hui autour de 200. En Île-de-France, on en comptait environ 5300 en 2018. Dans la région de Londres, elles étaient près de 12 000. Mais il y en a aussi à Lille, Nantes, Montpellier, Milan, Naples, Amsterdam, Bruxelles. Leur nombre ne cesse d'augmenter d'année en année. Et dans toute l'Europe, c'est la même question qui revient. Faut-il avoir peur des perruches à collier ? Donc, premier extrait donc, sur les perruches à collier, qui est localisé près du boulevard d'Arcole, pas loin de la station Jeanne d'Arc. Alors là, pour le coup, on parlait d'ambiance, on parlait de son dans la première partie. C'est ce qu'on retrouve bien. Il y a une ambiance un peu radar, un peu flash info news, un peu flash du 20h, un peu angoissant. Comment est-ce que vous avez travaillé, par exemple, sur cet habillage-là ? Je pense que cet exemple-là, c'est un peu l'écriture qui a... Mais d'ailleurs, dans beaucoup de cas, en fait, c'est le ton du texte qui amène l'ambiance sonore qui va avec. C'est-à-dire qu'on commence par écrire, et une fois que le texte est posé, on le décortique un petit peu en se disant, bon, bah, là, voilà, là quel type de sonorité on verrait, quel type d'ambiance on verrait, est-ce que là, c'est plutôt... Voilà, on joue sur le dramatique, il s'agit de rythmer, est-ce que c'est une partie plutôt énergique ou plutôt mélancolique, calme, sachant que je peux avoir une tendance un peu, sombre. Où, voilà, Lucie, assez régulièrement, me disait « c'est bien, mais c'est pesant ». C'est un peu dark. C'est un peu dark, ça serait bien de... Voilà, donc on a essayé de... Bon, j'ai tenté de ne pas faire trop dark. Et là, l'idée, c'était de jouer, en effet, sur le côté un peu breaking news, voilà, l'invasion. La rumeur, l'invasion se propage. D'ailleurs, l'invasion, enfin, le mot est... c'est l'appellation officielle. Voilà, il s'agit d'une espèce invasive. Donc, on voulait jouer un peu autour de ce truc-là, en jouant avec les peurs et les croyances de chacun aussi, quoi. Sachant que là aussi, j'ai mis un très court extrait, mais au sein d'une même capsule, il peut y avoir plusieurs ambiances différentes. C'est vrai que là, j'ai vraiment mis l'introduction pour mettre dans le bain, mais j'invite les auditeurs à aller découvrir l'ensemble de la capsule. Et on essaye de calmer le jeu après. Non, parce qu'après, le son donne donc une couleur, et c'était important aussi de ne pas avoir le côté dark tout le temps. C'est aussi parce qu'il y a certaines espèces où on voulait casser un peu l'image qu'elles avaient. Ce n'est pas forcément évident, on a des représentations sur certaines espèces, donc il faut jouer aussi avec les atmosphères pour arriver à donner une autre sensation quand on écoute la capsule. Ça ne passe pas que peu. Sinon, ça va être plus difficile pour les réhabiliter dans l'esprit des gens. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que ça marche et que c'est vrai que le son émeut tout seul, en fait. C'est vrai qu'il met la personne qui écoute dans une certaine disposition, je trouve. Ça met déjà dans une certaine ambiance. Et donc, par exemple, pour l'exemple des perruches ou des grenouilles du jardin d'un japonais, vous êtes allé sur le lieu de votre capsule pour capter les sons ou pas forcément? Pas forcément. Les perruches, un peu. C'est-à-dire qu'il y a eu des matins, alors pendant le confinement, mais pas que, du côté de Jeanne d'Arc, justement, pour essayer de capter des sons. Là, les perruches, je peux remercier Monsieur Christophe Pasquier, Monsieur Perruche de Nature en Occitanie, avec qui j'ai fait un tour de Toulouse à bicyclette assez long pour aller enregistrer dans divers parcs, diverses zones où il avait repéré des perruches et où on pouvait faire des prises de son. Et les grenouilles, c'est des sons que j'avais déjà à disposition et qui datent d'il y a quelques années, pas très longtemps, mais qui sont plutôt pris du côté de la Maurine. D'accord. Voilà, dans la zone naturelle du jardin de la Maurine, où il y a un étang et où j'ai eu la chance de pouvoir faire des prises de son à l'aube. Voilà. À l'heure où les grenouilles chantent. À l'heure où les grenouilles chantent, tout à fait. Alors, Espace d'espèces, c'est quand même majoritairement un projet sonore, mais pas uniquement. Donc, vous avez monté un site internet où, bien sûr, on peut retrouver toutes vos capsules, mais aussi on remarque le travail d'une illustratrice. Du coup, je voulais savoir qui était-elle et comment s'était passée son intégration dans le projet. Alors, l'illustratrice, c'est Erline de Marel. J'espère que je prononce bien. C'est du flamand. Il se trouve que moi, parallèlement aux Voix de Traverse, je m'occupe d'une revue de création qui s'appelle Papier Machine et qui est belge. Et dans ce cadre-là, Erline avait contribué à notre revue. Elle avait travaillé sur autour du mot éponge. D'accord. Et donc, on avait très envie d'avoir comme ça une ambiance, au-delà de l'ambiance sonore, une ambiance visuelle qui joue avec les codes scientifiques de naturalistes, mais qui s'en détache un peu pour créer quelque chose d'un peu plus onirique, enfin un peu moins strict et scientifique. Mais il fallait quand même qu'on puisse reconnaître bien les espèces pour que ça marche. Et il se trouve qu'en fouillant un peu ce qu'elle avait fait, on avait trouvé que c'était assez chouette, ça nous plaisait, l'identité de son travail. Et donc on l'a contactée et elle était tout à fait partante. Elle aime beaucoup en fait travailler sur les espèces animales et végétales. Et du coup, voilà, elle était très emballée et elle nous a fait plusieurs propositions. On a travaillé un peu comme ça. Il va y avoir bientôt une très belle affiche que nous allons pouvoir placarder un peu partout dans Toulouse, on l'espère. Et des petits fascicules dépliables avec des cartes. Pour retrouver les zones, justement. Exactement. Ouais. Qu'on va aussi, pareil, distribuer tout ça gratuitement, hein, mais qu'on va essayer de mettre un peu partout dans Toulouse pour que le plus de monde possible puisse aller écouter ces petites capsules. Et puis, c'est vrai que, bon, là aussi, j'invite les auditeurs à me croire sur parole ou à aller voir le site dès qu'ils auront écouté cette émission. Mais c'est vrai que ce sont des couleurs un peu douces. C'est vrai que ça met dans une ambiance, je trouve, sereine de voir ces illustrations. En plus, je pense qu'elles travaillent en numérique, mais il y a un petit rendu un petit peu aquarelle avec des couleurs, ouais, pastel. Donc, c'est vrai que je trouve que ça fait un petit cocon. Je trouve que l'ambiance du site internet, en tout cas, est très cosy, quoi. C'est vrai qu'on a envie de farfouiller et puis c'est joli et ça donne envie de rester. de fouiner un petit peu pour voir tous les recoins du site, quoi. Enfin, on a travaillé aussi avec un graphiste qu'on peut nommer aussi, hein, Benjamin Renaud, qui a fait un assez beau travail pour mettre en valeur justement ces dessins et faire en sorte que ce soit assez aussi facile et ergonomique dans le site de s'y retrouver. C'est lui qui a conçu le site internet, c'est ça, le fonctionnement du... Alors ça, c'est un autre, un autre larron. Maxime qui nous a construit le site du coup à partir des maquettes qu'avait fait Benjamin. Un vrai travail d'équipe donc. Voilà. Alors on l'a un petit peu évoqué dans la première partie de l'émission, c'est votre première incursion en vulgarisation scientifique, en tout cas avec le côté biologie du projet. Quelle ambiance vous souhaitiez insuffler à ces capsules, outre le fond, les connaissances scientifiques que vous vouliez transmettre, et quelles sont vos principales sources d'inspiration pour les ambiances, en tout cas les axes que vous vouliez apporter dans ces capsules et cette diffusion du savoir un peu particulière? Alors, pour ce qui est de la vulgarisation, on a plein de sources un peu différentes. Assez, oui, éclectique. Ça va de C'est pas sorcier à Sur les épaules de Darwin, en passant par Tu m'auras moins bête. Enfin, je pense Montaigne, bien sûr. Il y a quand même pas mal de choses aujourd'hui et depuis longtemps, qui sont très chouettes. Et nous, on a ce côté un peu, on aime aussi bien les choses assez conceptuelles, un peu sérieuses, rudes, et les trucs un peu marrants. Donc on avait envie de faire quelque chose de simple, d'un peu conté, et parfois d'un peu drôle, pour essayer d'accrocher l'attention. Encore une fois, comme on n'est pas des spécialistes, il ne s'agit pas de rentrer à fond dans les sujets, c'est vraiment juste une petite porte d'entrée, une petite fenêtre qu'on ouvre. Donc... voilà, l'idée, c'est qu'on puisse donner du plaisir à entendre ça et apprendre des trucs en même temps. Oui, complètement. Et puis c'est vrai que l'axe, que ce soit l'humour ou autre, ça aide à faire passer le message. Donc c'est souvent tout bénef, quoi. Et les références, j'ai l'impression qu'il y a aussi ce truc en commun de décloisonnant, en fait. Comme on n'est pas des spécialistes, on a envie d'ouvrir plein de fenêtres sur différentes disciplines et d'aller convoquer de l'histoire des sciences, de l'anecdote insolite, du fait divers, de la biologie, et voilà, et de rassembler tout ça avec un côté, oui, il faut que ça soit vivant. Enfin, je pense que c'était un peu ça l'enjeu, quoi. En tout cas, pour ça, ça fonctionne très bien, promis. Alors, on parlait d'ambiance, je vous propose d'écouter un deuxième extrait à la couleur sonore bien marquée. Imaginez-vous un soir d'août, il fait chaud, la nuit est belle et vous êtes venu profiter de la fraîcheur nocturne sous les platanes du canal du Midi. C'est d'ailleurs peut-être exactement ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes là, à observer le reflet de la lune dans l'eau, quand soudain votre regard est attiré par une ombre furtive. Près du lampadaire, là-bas, on dirait un oiseau, en plus rapide, plus silencieux. Et si c'est un fantôme, une âme errant dans la nuit toulousaine? Pas de panique. Pas de panique. Ce n'est qu'une chauve-souris. Vous venez en quelques instants de renouer avec des siècles de superstitions et de croyances autour de cet animal. Faut dire qu'il a tout pour plaire, ce chiroptère. Oui, c'est le nom scientifique de sa famille. Une tête de rongeur, un corps couvert de fourrure et pourtant des ailes, des plumées, avec des griffes au bout. On n'est pas loin d'une figure de monstre mythologique, chimère ou manticore. Et ce n'est pas le naturaliste Buffon qui nuancera le propos, lui qui l'a classé parmi les animaux qui nous paraissent hideux, ceux dont la qualité nous sont nuisibles, ceux dont la nature s'éloigne de la nature commune. En plus, elle dort la tête en bas et circule sans problème la nuit, dans cette obscurité qui a toujours fait peur à la culture occidentale et à sa lumière chrétienne. Alors là, pour le coup, c'est vrai que c'est aussi un peu dark. Le début est angoissant, mais c'est vrai que ça va avec la vision des chauves-souris qui ont été très longtemps en crainte parce qu'elles se baladent de nuit. Mais il y a aussi le tic-tic qui imite un peu les ultrasons qu'on peut entendre des chauves-souris. Est-ce que ce sont des ultrasons de chauves-souris que vous avez retravaillés enfin, du coup, nous, on ne peut pas les entendre sans un boîtier spécifique, mais comment est-ce que vous avez, par exemple, recréé cet habillage sonore-là pour la chauve-souris? Alors, il y a des ultrasons de chauve-souris qui sont disséminés à certains endroits. Mais là, en l'occurrence, non, c'est complètement autre chose. Et alors, dire ce que c'est compliqué. C'est révéler le truc. Non, c'est pas révéler le truc, c'est que je m'en souviens plus, en fait. C'est qu'au départ, c'est un son qui a été trafiqué de multiples manières. Et puis, on aboutit à quelque chose. En fait, c'est plutôt une intention. Oui, ça imite. Comment je peux arriver à construire un truc organique qui installe un mouvement Voilà, avec cette idée que ça, on joue sur le passage de cette espèce de truc qui dont le volume varie. Et sur l'ambiance un peu dark, ben là, moi, j'avais envie de dire que c'était le moment où je pouvais me faire plaisir. C'est vrai. Vas-y, joue à fond sur ce côté-là. On va faire du gothique. Et puis, du coup, là, j'avais quartier libre. C'était bien. Bah, en tout cas, c'est vrai que pour la chauve-souris, ça tombe parfaitement. Alors, vous avez abordé ces capsules avec plusieurs approches, plusieurs disciplines. Là, vous citez Buffon, vous parlez d'histoire des sciences, de représentations culturelles. Dans la capsule des grenouilles, que moi j'aime beaucoup aussi, vous citez la pataphysique d'Alfred Jarry et des poèmes du XXe siècle. Est-ce que c'était important pour vous qu'il y ait voilà, cette approche vraiment de toute discipline pour ne pas mettre de côté peut-être les non-biologistes ou quelle était votre intention ? Je pense que dans un premier temps, c'est un peu égoïste, c'est que c'est notre manière d'aborder les choses et c'est un peu un prétexte pour aller fouiller partout. Et après, c'est aussi parce qu'on trouve que c'est quand même vachement mieux quand il y a plein de points d'accroche pour donner vraiment une vision un peu d'ensemble de ce qu'est une espèce, pas seulement dans ses fonctions biologiques, mais symboliquement et dans la relation qu'elle entretient avec les autres espèces et les milieux. Et à travers le temps, en fait, il y a plein de dimensions qui peuvent être tirées et dépliées comme ça si on prend plusieurs entrées pour en parler. Il y a aussi ce truc que souvent les sciences sont présentées comme déconnectées des personnes qui les font et qu'on oppose la science humaine à la science dure. Oui. et du coup, la science dure, elle est désincarnée. Et en fait, nous, on vient principalement des sciences humaines. Et ça nous intéresse, en fait, de ramener la science aux personnes qui les font, aux idées qui les traversent, aux moments, aux périodes, et montrer comment il y a des scientifiques qui se plantent royalement à certaines époques. Enfin, il y en a même beaucoup qui se plantent, hein, souvent. Voilà. C'est un peu le principe de base. Sur les chauves-souris, enfin, sur les hirondelles, il y a des trucs complètement délirants, et c'est très marrant de reprendre ces idées-là, quoi. Et qui sont en plus souvent très dépendantes d'un contexte, d'une époque. Donc c'est vrai que c'est plein de choses très multiples qui s'additionnent. Donc vous avez été voir Nature en Occitanie, l'association qui travaille à Toulouse et dans la région sur la biodiversité locale. Une habituée du NIPI, puisqu'il y a plusieurs bénévoles qui sont déjà passés à ce micro. Du coup, je voulais savoir comment est-ce que vous avez choisi, j'imagine, en consultation avec les bénévoles de Nature en Occitanie, les heureux héros de vos pastilles. Comment est-ce que vous avez choisi les 10 finalistes que vous avez conservés dans le projet final ? Alors nous, on avait fait une liste un peu longue, très longue même, et où on avait un peu lié à chaque espèce un peu des enjeux qu'on avait envie d'aborder. Et on est allé voir comme ça Mike, qui est l'animateur de Nature en Occitanie, et qui nous a été d'un précieux conseil en nous disant telle espèce est peut-être un peu plus intéressant parce que on peut l'observer là, ou parce qu'on peut parler ça, ou il y a telle et telle anecdote, ou ça pose telle et telle question. Donc on a commencé comme ça à se séparer de certaines. Et puis ensuite, il y avait effectivement l'idée qu'il fallait quand même qu'on puisse les observer dans le centre de Toulouse, et qu'on puisse les observer de manière assez simple, c'est-à-dire que c'était difficile de prendre des espèces de bâtiments, par exemple, qui vivent... Enfin, on ne pouvait pas parler des punaises de lit. Oui. C'était un peu plus compliqué. Mais on ne l'exclut pas pour la suite. Hein. Mais pour l'instant, en tout cas, c'était pas facile. Et puis, on a voulu avoir un panel, que ce soit des oiseaux, des mammifères, puis aussi des milieux. Enfin, on a voulu avoir comme ça un petit échantillonnage des différentes espèces qu'on pouvait trouver. Bon, il en manque plein. Mais... mais voilà, on a un peu travaillé comme ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que j'ai oubliées. Non, juste le salon des relégués est énorme. C'est énorme. Et en effet, on a encore de quoi faire. Et ça grandit chaque jour. Vous avez toujours de nouvelles idées. Et là, par exemple, dans les 10, je sais que c'est dur, hein, c'est comme choisir son enfant préféré, mais est-ce que vous avez chacun un sujet, une pastille qui vous tient plus à cœur parmi les 10 ? On n'en a pas reparlé de ça. Moi, à l'origine, quand même, celle par laquelle j'ai commencé et sur laquelle j'étais pas du tout prête à céder, c'était les lichens. Voilà. Moi, c'est difficile. Je sais pas trop. J'aime beaucoup le fleuve, la Garonne, parce que je trouve qu'elle coule comme la Garonne de manière assez chouette, avec cet effet boule de neige. On part du tout petit pour arriver au très grand. Ça, je trouve ça, je trouve qu'elle est, elle est bien, bien faite autour de ça. Après, c'est difficile. Non, j'aime tous mes enfants. C'est une question compliquée, j'avoue, c'était pas la plus simple. Et alors, il y a aussi, donc, je voulais vous diffuser un dernier extrait. Il y a une capsule, moi, qui m'a touchée, là aussi, pour son ton, avec une introduction, avec un ton vraiment poignant. Je propose qu'on l'écoute ensemble. Elle s'appelait peut-être Germaine, ou Berthe. En ce jour de novembre 2011, elle semblait, d'après les témoignages, dans la force de l'âge, son port altier traduisant sa pleine santé. Certains racontent qu'ils l'avaient vue débarquer juste là, sur le port de la Dorade, venant des quais. Les enquêteurs sont aujourd'hui susceptibles de retracer son parcours. Descendue des collines de Pêche David vers l'île du Ramier, elle avait ensuite atteint à la nage les berges de la Garonne en centre-ville. Remontant la rue Gambetta, elle avait traversé sans encombre la place du Capitole, puis tourné à gauche dans la rue Alsace-Lorraine. Et c'est là que les choses s'étaient gâtées. Jamais elle n'aurait dû entrer dans ce Virgin Megastore à l'angle de la rue Lafayette. Repérée par les clients, elle avait été chassée puis poursuivie par les forces de l'ordre à travers toute la rue Bayard. Paniquée, elle s'était jetée dans le canal du Midi au niveau de la gare. Elle est morte sous les balles de la police. C'était une femelle sanglier de 3 ou 4 ans. Alors je rassure tout de suite celles et ceux qui nous écoutent, toutes les capsules font pas peur. C'est horrible. J'avais hésité à mettre celle sur les grenouilles que j'aime beaucoup et qui est plus décalée, drôle, qui met en scène un scientifique un peu fou. Mais je trouvais qu'il y avait vraiment trois ambiances très différentes dans celle-ci. Et je trouve ça bien aussi parce que ce sont que des animaux mal aimés. Moi, c'est un peu mon point faible, les mal aimés, j'avoue. J'aime bien essayer de les réhabiliter. Et là aussi, comme je disais, c'est l'introduction. C'est ce qui met en bouche et le reste de la pastille est très différente. Mais pour le sanglier, moi, je trouvais ça fort et c'était aussi celle qui est sans doute la plus engagée dans son ton. Parce que voilà, on évoque la chasse. Le sanglier, c'est un animal qui pose... qui ouvre les débats, puisque on leur reproche de faire des dégâts. Ensuite, on reproche aux chasseurs de ne pas forcément tuer les sangliers là où ils sont. Enfin bref, il y a une très large discussion sur le sanglier. Est-ce que c'était là aussi votre choix de choisir cet animal-là pour aborder la question de la chasse, poser un regard plus engagé peut-être vis-à-vis de cet animal, ou pas du tout? J'ai l'impression que ça évoque un certain nombre de questions qu'on s'est posées sur le ton à adopter. Parce que c'est vrai que le sujet principal de ce travail, c'est les relations entre les citadins, les citadines et les espèces avec lesquelles il et elle cohabitent. Et du coup, il y a ce truc de... On sait que la biodiversité s'éteint... et s'appauvrit à grande vitesse. On sait que la ville est un milieu hostile qui est globalement dangereux, nocif pour un certain nombre d'espèces. Malgré tout, il y en a qui tirent leur épingle du jeu. Il y a de nouvelles espèces qui apparaissent. Enfin, les choses sont plus compliquées que ça. Et du coup, on essayait de naviguer entre... on ne voulait pas être moralisateur. Pour autant, il ne fallait pas non plus dire que tout est super et qu'en ville, tout le monde s'éclate et il y a de la place pour tous les petits animaux de la planète. Du coup, c'était, je pense que ça a été un exercice pas hyper facile de jongler sur cette ligne. Et les sangliers, au départ, j'ai l'impression que c'était une préoccupation de... c'est vraiment l'animal emblématique d'une espèce de prise en charge par l'humain. De jeu avec cette espèce par l'humain à des fins de loisirs. Et puis à un moment, c'est une espèce qui vient envahir, enfin, qui pénètre dans les espaces urbains un peu partout dans le monde et qui est... C'est des problématiques qu'il ne faut pas éluder, c'est sûr. Il y a énormément de sangliers qui rentrent en ville. Et je comprends que ça fasse flipper certains et certaines, je l'entends. Hein. Après, en fouillant dans l'histoire de l'espèce, on se rend compte que... Oui, ça peut rendre un peu en colère. Enfin, en effet, c'est peut-être la pastille la plus frontalement accusatrice, on va dire, quoi. Après, là encore, les choses sont complexes et on voulait pas. On a vraiment essayé de pas trop pointer du doigt et de se tenir là-dessus, même si ça n'a pas toujours été évident. Bah oui, c'est une question qui déchaîne les passions, mais malgré tout, vous gardez les nuances, vous donnez des faits, et c'est vrai que ça permet aussi de se donner une idée pour celles et ceux qui ignorent comment on gère, ou plutôt on ne gère pas notre cohabitation avec le sanglier. C'est vrai que ça donne plein d'éléments de réflexion. Alors, on l'a aussi un petit peu évoqué tout à l'heure, donc toutes les capsules d'espace d'espèces sont téléchargeables gratuitement sur le site. Donc merci à vous deux, parce que c'est quand même un beau cadeau. Mais voilà, parlons peu, parlons bien. Comment est-ce que vous faites pour que ce projet voie matériellement le jour? Est-ce que vous avez reçu des soutiens, des financements pour le faire avancer? Oui, on a reçu des soutiens, des financements pour le faire avancer. On travaille beaucoup de cette manière-là, c'est-à-dire que les projets des voies de traverse sont mis gratuitement à la disposition du public sur nos sites internet. Alors, Espace d'Espèces, c'est un site dédié, mais les voies de traverse sont le site de l'association sur lequel l'ensemble des projets sont disponibles. Pour nous, la gratuité, c'est quelque chose qui est important, auquel on tient, qui a un sens. Si on veut être accessible, on tient à être gratuit. Du coup, on fonctionne principalement avec des financements publics, des subventions pour monter nos projets. Et là, en rentrant dans la cuisine interne, la recherche de subventions pour des projets, ça prend du temps, c'est pas forcément simple. Il faut prendre son bâton de pèlerin, comme disent des personnes interviewées dans les émissions, et aller toquer aux portes et ramasser de l'argent là où on peut. Et parfois, il y a une crise sanitaire qui se met au milieu et qui, du coup, retarde les commissions et ça devient vraiment des temporalités un peu folles. Mais est-ce que ça veut dire que là, par exemple, donc ces 10 capsules, vous avez été en partie financé ou c'était entièrement sur vos deniers personnels? Non, on a été en partie financé. On a réussi à monter un plan de financement qui nous a permis d'assurer... Il y a une part de bénévolat dans notre travail, mais pas uniquement. Partie salariée est en permanence débordée. J'imagine. Mais il y a quand même un socle. L'idée, c'est quand même d'arriver à avoir une certaine viabilité dans la durée autour de ces projets. Et est-ce qu'on peut espérer la venue d'autres capsules si vous arrivez à trouver des financements supplémentaires ou pas du tout? Ah bah si, on y arrive, oui. On a encore une liste incroyablement longue. Oui, ce serait super après. On va voir. Il y a des envies de beaucoup de parts, on a l'impression. Les gens de Nature en Occitanie sont enthousiastes. Il y a un certain nombre de personnes qu'on a rencontrées pour les interviewer, de spécialistes qui, pareil, nous ont fait des bons retours et on les sent désireux de prolonger l'aventure. On espère qu'on y arrivera et on va essayer de se débrouiller pour y arriver. Bon, je croise les doigts. Pour finir, quelles sont les prochaines étapes pour vous pour valoriser, développer ce projet et comment est-ce que nous, à notre échelle, auditeurs, on peut vous aider pour essayer de soutenir Espace d'Espèces? Alors la prochaine étape directement, ce sont les rendez-vous au jardin, où on va avoir une table. Et alors là, c'est à ce moment-là où normalement on devrait avoir tous nos petits dépliants qu'on va pouvoir distribuer, nos affiches. Donc rendez-vous au jardin 5 et 6 juin. Si on veut parler concret, on tiendra une table devant le jardin, en face du jardin des plantes, de l'autre côté des allées Jules Guedes. Le jardin royal. Merci, c'est le troisième, voilà. À l'angle de la rue Ozène, on tiendra une table et on prêtera donc nos petits boîtiers audio guides pour les gens qui n'ont pas de téléphone intelligent et qui ne peuvent pas accéder au site dans l'espace public. Ils pourront emprunter un boîtier pour aller écouter les pastilles. Et si vous voulez faire vivre le projet, c'est juste le transmettre, le faire écouter à plein de monde le plus possible. Après, comme ça s'écoute aussi chez soi dans son canapé, même si c'est mieux d'aller sur place regarder. Il y a des gens qui n'habitent pas Toulouse qui vont écouter avec plaisir. Du coup, il ne faut vraiment pas hésiter à juste diffuser. Le partager, faire écouter au plus grand nombre. Et dernière petite possibilité, c'est des pastilles qui sont très toulouso-centrées. Mais on travaille en ce moment à des versions qui soient un peu déconnectées du terrain et qui puissent être diffusées de manière peut-être plus large géographiquement via des réseaux de radio locales, par exemple. Et nous les avons adaptés à la réalité européenne, donc suisse, belge notamment. Francophone, voilà. Francophone, ouais. Donc plus de limites, Espace d'Espèce va coloniser toute l'Europe. Voilà. Merci beaucoup Lucie Aurélien d'être venue nous présenter ce projet urbain sonore, ludique et instructif. On a hâte de le voir s'étendre et s'enrichir. Vous pouvez bien entendu retrouver l'intégralité du projet sur le site espacedespèces.fr. On finit comme d'habitude par quelques conseils lecture. Pour finir, j'aimerais vous présenter un film documentaire et un album jeunesse. Le film qui a grandement inspiré cette chronique sur la vue des animaux est le documentaire « Œil pour œil » réalisé par Milena Lattès-Loïc, diffusé par La Salamandre. Ce film de 52 minutes nous invite à la rencontre de chercheurs et passionnés qui nous parlent de la vue chez de multiples espèces. Chauves-souris, serpents, abeilles, libellules, buses de harisse, chouettes et hiboux. Une odyssée rythmée et passionnante. En plus de nous emmener auprès de scientifiques au discours limpide, la réalisatrice nous fait aussi découvrir des artistes, des bidouilleurs de l'extrême, poètes et créateurs qui proposent leur vision et leur expérience pour mieux comprendre celle des autres espèces, grâce à des casques, simples ou très technologiques, qui nous mettent à leur place. D'autres rencontres avec un chercheur en neurosciences ou un ophtalmo-chirurgien nous font découvrir le travail du cerveau mais aussi les perspectives pour restaurer la vue de personnes malvoyantes. Un film extrêmement bien mené, ludique et très pédagogique, un vrai coup de cœur. Enfin, je voulais vous présenter l'album documentaire intitulé « Zooptique, imagine ce que les animaux voient », écrit et illustré par Guillaume Duprat et paru aux éditions du Seuil Jeunesse. Ce très bel album documentaire, grand format, propose de faire découvrir comment voient les animaux. Grâce à un ingénieux système de flap à soulever, on est invité à se mettre à la place de l'animal et de voir la même chose que lui. Pour chaque animal, chauve-souris, serpent, bécasse, pigeon ou chimpanzé, l'auteur détaille plusieurs paramètres. Champ de vision, acuité visuelle, couleur et perception des mouvements. On s'amuse à soulever les masques, comparer, s'extasier ou être surpris. C'est un très bel album, original et ludique, à découvrir à tout âge. Et c'est déjà la fin de notre émission. Un très grand merci à Thomas Delafosse, à la technique, à toute l'équipe de Campus FM et merci à toutes et à tous d'avoir été au rendez-vous. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me suivre sur internet via le site lenidepi.com. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures animalières et d'ici là, gardez la pêche.